Vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Il est à peu près 21h et c'est Nuisance, l'émission de toutes les nuisances, l'émission qui nuit au sens. À vous de voir. Amusez-vous bien, ça risque d'être une longue soirée. Très longue soirée donc en perspective sur les ondes du 92.2 FM Lyon Toulousain. Bienvenue en enfer. Unilatéral. Toujours aucune perspective en attente. Rien que l'ennui. L'ennui et la mort. Se le dire, on n'est pas ici pour rigoler, autant qu'on se le dise, c'est clair, net, précis comme ça. There's something very wrong going on. There's something very wrong. There's wind in the area. Il y a du vent. C'est le vent du foutre. Qui est avec nous. Oh jouissance quand tu nous tiens par les burnes. Mieux vaut crever, plutôt jamais. Jamais t'entends. Jamais je crèverai. Tu seras le premier à crever. Personne ne peut tuer ma connerie. Personne, t'entends ? Personne peut être aussi con que moi. Personne t'entend. Vous êtes donc sur Canal Sud 92.2 FM et c'est une émission hautement pédagogique ce soir. Nous allons découvrir ensemble la musique bruitiste. Bruitiste comme le bruit, l'odeur, la merde et tout ça qui va avec l'extrémité, la turgescence, la purulence, la pustulence, tout ça dans un abcès abscons pour vous ce soir. Un Larsen ou deux également en prévision d'une sacrée soirée que nous allons passer ensemble. Eh ben non, pas de sacrée soirée pour nous. Plutôt crever, allons se faire en... entuber. La musique bruitiste est fondée sur le bruit, donc allons-nous nous faire entuber en profondeur. Toute nuance est tergiversable, toujours comme d'habitude. Allons se faire entuber comme ailleurs. On est vraiment que de la merde, signons en bas du papier, oui, vous avez gagné 1000 euros. Signez en haut du papier, vous avez perdu 1000 euros. Ne signez pas, vous êtes mort. Nous allons comprendre ce qu'il y a en vous. Nous allons voir ce que vous avez à nous cacher. Un délire très mince. Vous allez vous faire avaler par votre propre tergiversation. Vous discutaillez. Vous allez mourir. Vous allez mourir. Vous allez mourir encore et encore jusqu'à la fin de l'éternité. Mais alors, pas de mourons, qui disent les entubés. Il faut les prendre et les retourner par derrière. Il faut prendre le mouron des entubés par derrière et le secouer en direction des entubés pour qu'ils mouronnent encore plus. Les entubés, toujours, c'est ce qu'il faut faire pour qu'ils s'entubent les uns les autres. musique, c'est beau. T'as compris? C'est ça, la musique. C'est beau. T'entends? La musique, c'est beau. T'entends? T'entends? La musique, c'est beau. T'entends? La musique, c'est ça, la musique. C'est beau. T'entends? La musique, c'est tellement beau. Oui, tellement beau, t'entends? La musique, c'est la beauté dans le monde, oui. Oui, mon enfant. Oui, c'est vrai. Tu le sais, n'est-ce pas? C'est la beauté, c'est la musique, c'est beau. Tellement beau la musique, oh, j'aime tellement la musique. Bon, c'est quand qu'on se pend? C'est pour maintenant? Chouette, chouette. C'est pour tout de suite qu'on se pend. Allons-y, ouais, pendons-nous les uns les autres. L'usance, c'est fun. L'usance, on rigole trop dans l'usance. Qu'est-ce qu'on peut se marrer ici? Allez! Allez, on va se pendre maintenant. Ah, c'est l'enfer, on comprend plus rien, merde, alors qu'est-ce qu'on peut se faire chier dans la vie? Oh là là, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir foutre ce soir? Eh ben, on va se branler en regardant un film de merde, ou peut-être qu'avant on va aller en boîte, et on va les suivre pour les baiser encore une fois, ouais, chouette, c'est super la vie, que j'aime avoir du fric. Ouais, c'est bon ça, avoir du fric et dépenser dans de la merde. Quel enfer! C'est bon, j'ai posé le son pour une heure, là vous allez avoir ça pendant une heure, vous allez avoir le bonheur d'apprécier la bonne musique, la grande et bonne musique, la bonasse de musique qu'on peut tirer dans tous les coins. T'sais. comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes en enfer et nous observons les âmes damnées errer. Qu'est-ce qu'elles peuvent errer alors? fut un plaisir de vous faire écouter la musique brutiste ce soir dans Nuisance. C'est fini. Ah non, c'était une blague. Ouais, la musique c'est beau, ouais, c'est trop beau la musique, on va se faire entuber, ouais. Ouais, se faire entuber c'est bon ça. Ouais, entubez-moi, foutez-moi un tube dans le cul. Oh merde, j'ai dit cul, oh, faut pas dire cul, c'est ça. Ah merde, ah, fait chier quoi. Évidemment, ça tombe sur ma gueule. Ah, je sais pas, se faire foutre là. Que j'ai pas le droit de dire enculé non plus quoi. D'ailleurs on peut se demander ce que j'ai le droit de dire. Si on peut plus dire enculé, foutre et va te faire enculer, foutre de merde, qu'est-ce qu'on peut dire? Je veux dire, on peut plus rien dire. C'est important de pouvoir s'exprimer dans un langage cru. Sinon on n'est pas cru justement, tu vois ce que je veux dire? Vous me croyez maintenant ? Bon, d'accord, je vous l'accorde. Putain, c'est beau quoi. C'est beau la musique. Ah, c'est trop beau. Et oui, il reste à peu près 1h10 avant la fin de l'émission. J'espère que vous êtes encore vivants, sinon vous ne pourrez pas entendre la fin. Le moment où je dirais c'est la fin de l'émission, vous pouvez vous en aller maintenant, vous pouvez ne plus écouter. Obéissez! Obéissez! Allez en boîte, dépensez votre fric durement gagné en faisant un boulot de merde qui pue la merde comme vous, vous puez la merde quand vous chiez. Dans votre froc en voyant le patron, quelle bande de merde, sous-enculés, vous êtes des sous-enculés quoi. Des enculés par les mouches, ou plutôt, vous êtes des mouches. Et c'est qui le seigneur des mouches, hein? Cette année c'est... Ouais, c'est lui, ou elle, ou qui que ce soit d'ailleurs. Vous êtes des esclaves, pourris par la vie humaine, la bassesse, le mensonge, le vol. Vous êtes de la merde. Et moi, je suis le roi de la merde. Et je vous encule tous, et ma bite est pleine de foutre et de merde. Et du sang aussi, plein de sang que je bouffe. Au bol, parce que j'ai pris vos enfants et je les ai étripés, j'ai bu leur sang frais, leur sang virginal. Et vous aurez plus de descendants, il n'y aura plus de descendants, ce sera fini. On sera tous stérilisés par le sang qu'on buvra, qu'on boira jour après jour en pensant à nos mères. Deux ou trois fois par jour. L'enfer quoi, la fête des mères deux ou trois fois par jour, t'imagines? Non mais dis-toi, va falloir c'était bonne fête maman deux ou trois fois par jour à partir de maintenant. Non mais c'est quoi cette histoire là? C'est quoi cette histoire? En cas de danger, tirez la poignée. Mais il n'y a pas de poignée. Ça s'arrêtera jamais. On est vraiment que de la merde. On croit ça pour arrêter un jour. Mais qu'est-ce qu'on va arrêter, hein? Une petite vie misérable. En trimant pour gagner du fric. Pour nos enfants. Pour nos parents aussi, quand ils seront vieux et qu'ils vont crever dans une chaise roulante au fond d'un caniveau. Je veux dire, un dépotoir urbain ou rural. Une maison de retraite, quoi. Une boîte à caca. Ce monde, c'est une boîte à caca et le caca, c'est nous. On ne sait pas ce que c'est que d'être. On n'a jamais été. On est que de la merde. Comment tu veux que de la merde, ça sache ce que c'est que d'être? La merde, ça sait rien. Ça ferme sa gueule et ça travaille. Compris? Alors allez en boîte, dépensez votre fric. Bande de merde. Vous êtes vraiment que de la merde, pire que moi. T'sais. Moi, je suis peut-être barjo, mais vous, vous êtes con. Alors on se prend par le trou du cul les uns les autres. On se prend par le trou du cul les uns les fions. Les fions, les fions dans le cul, dans le cul, dans le cul, dans le fion, dans le fion. Allons se faire enculer par les patrons. C'est gros tas de merde. À mort le patron. À mort tous les patrons. Ouais c'est ça l'amour, la mort du patron. D'ailleurs, on devrait plus dire je t'aime, on devrait dire j'ai mis à mort mon patron. Pour toi, chérie. J'ai pris mon patron, je l'ai retourné, je l'ai étripé et je l'ai laissé là dans son sang. J'ai pris une lame, je lui ai arraché l'anus en lui bouffant le trou du cul avec le fion. J'ai pris ses yeux globuleux. J'ai foutu du fric dedans et maintenant il voit plus rien, il voit que ça, le fric, c'est tout ce qu'il voit, le fric, il m'aime plus maintenant, tout ce qu'il voit c'est son fric, son précieux fric, il aime son fric et moi je l'aime plus moi, moi je veux partir mais je peux pas partir, j'ai besoin de son fric pour vivre, j'ai besoin, t'entends, c'est ça, je suis humain, j'ai besoin de tant de choses, mon mascara, ma bite au cul, et toute ma merde. Ne nous libérons pas, restons assoiffés de sang, vengeance, vengeance. On tuera les patrons un jour. Vengeance. Tuez les patrons. Vengeance, tuez les patrons. Et c'est certainement pas moi le patron ce soir. Et c'est pas vous non plus. Le patron, c'est le plus riche du monde, c'est cet enculé-là ou cette enculée-là qu'il faut buter. Tout cela, donc, dans un miasme de folie, je vous l'accorde, pour vous dire que Nuisance n'est pas une émission pour les enfants, et ni pour les parents d'ailleurs. Les parents, ça mérite rien, ça mérite de crever comme ces enfants, ils vont crever, le parent. Tous les enfants du monde vont crever maintenant. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé, tous les enfants du monde vont mourir. Ça y est, ils sont en train de mourir déjà, je le sens. Ils sont mourants. Mourons, mourons. Mourons tous en fierté et en honneur humaine. Et humain. Nous sommes vraiment pas de la merde. Nous sommes vraiment quelque chose, l'humanité, hein, t'as vu? T'as vu? On est vraiment quelque chose, hein. Ah ouais, on n'est pas rien. On a fait des tours d'ivoire à la gloire de notre merde. Et ça pue, tellement ça pue. Et ça crache du feu, et ça nous brûle la nuit. Ça c'est le vautour qui est venu te bouffer les yeux, espèce de... ou trois fois par jour, toujours. Ma chère mie, l'ami de mon pain que je chie dessus en m'en torchant avec. Y'a pas pire. Si, y'a l'autre. L'autre, celui qu'il faut buter tous les soirs en pensant à moi. Oui, il faut que je le bute. Faut que je le bute encore une fois pour tenir le coup, buter mon papa à moi, mon cher et tendre. Je t'aime tellement, oh oui, mon fils, je suis fier de toi. Et tout ce temps, la démagogie vous fait plaisir, vous souffrez des oreilles? Eh ben non, que dalle, c'est tout mou ce soir, je sais, j'avoue, ça fait un mois que je n'ai pas fait l'émission, donc je suis relativement, complètement mou, et je n'ai rien à vous dire, comme d'habitude. Ouais, c'est bon ça. La Genèse. Er Gevalik Char vous illustre une orbe rouge sans essai Sévalik Srap. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse, la Genèse, la Genèse. La Genèse, la Genèse, la Genèse, la Genèse, la Genèse, la Genèse, la Genèse, la Genèse, la Genèse, la Genèse, la Genèse, la Genèse, la Genèse, la Genèse, la Genèse. Bon, comme je disais tout à l'heure, il reste à peu près une heure avant la fin de l'émission, donc appréciez. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. C'est vrai, ça part un peu vite comme ça, je vais rajouter un son. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. Ouais, c'est carrément chiant, c'est bon ça. Nuisance, donc l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. On va se faire chier pendant encore une heure. Ouais, c'est génial, c'est bon ça. Ouais, qu'il y a rien besoin de faire en fait. Ben, je vais me fumer une clope dans le hall. Allez, à plus tard les gens. Ah, vous avez cru. Why did I do this? Just again and over again. Why? Why? Oh, why? Oh, why? Oh, why? Oh, why? Oh, why? Oh, why? Oh, why? Oh, why? Oh, why? Oh, why? Oh, why? Oh, why? Oh, why? Oh, why? Oh, why? Oh, why? Oh, but no, you don't, do you, piece of shit? Stupid fucking piece of shit! Deserve to die! Deserve to die, yeah! You, over there, you deserve to die! You deserve it, you ask for it! You ask God for it! Ask God to die! You deserve to die. Tu mérites de mourir. Demande à Dieu, de mourir. Tu le mérites, Oh mon Dieu, y a plus rien. Y a plus rien qui marche. Merde. Oh non, pas ça. Plutôt ça, ouais. La Genèse. La Genèse. Ouais. La Genèse. On va se taper la Genèse. La Genèse. On a encore 50 minutes. La Genèse. Allez, la Genèse. La Genèse. La Genèse. Ouais, c'est la Genèse qu'on écoute là. La Genèse. La Genèse, ouais, c'est ça. La Genèse. La Genèse, ouais, c'est ça. La Genèse. La Genèse, ouais, c'est ça. La Genèse. La Genèse, ouais. La Genèse. La Genèse, ouais. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. Oh non. La Genèse. Pas maintenant. Oh non, qu'est-ce que t'as fait? Oh, pourquoi pas maintenant? Oh, pourquoi après toi? Hop, toi, allez, vas-y. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. Alléluia, alléluia, alléluia. La Genèse. Alléluia, alléluia. La Genèse. Alléluia, alléluia, alléluia. La Genèse. Alléluia, alléluia. Oui. Ouais. La Genèse. Wouh. La Genèse. Ya. La Genèse. Ya. La Genèse. Ya. La Genèse. Ouais. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. C'est parce que moi bien si j'étais à la Wakbar. La Genèse. En répétition, je crois, il faut que je la trouve Genèse. À la Wakbar quelque part. La Genèse. La Genèse. Comme ça, en répétition, mais là, ça passerait beaucoup moins la bien. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. Ah, la Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. Oh merde, non, c'est la pas Genèse. Possible, c'est pas possible, je vais pas tenir. La Genèse. La Genèse. Pardon, excusez-moi. La Genèse. Je recommence. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. Écoutez, c'est pas ma faute. La Genèse. Le CD est resté bloqué, la Genèse. Je peux plus rien faire, le matériel de Canal Sud est vraiment déplorable. La Genèse. La Genèse. La Genèse. Merde, c'est trop con. La Genèse. Ah, je vous fais supporter de la merde pendant deux heures. Comment vous allez faire, quoi? La Genèse. Ah, oh, on est la changer d'antenne. C'est horrible. La Genèse. Canal-tu de la seule radio la où on vous demande de changer d'antenne? La Genèse. Allez, cassez-vous. La Genèse. Laissez-moi tranquille. La Genèse. J'ai un truc à méditer là. La Genèse. Laissez-moi seul, s'il vous plaît. La Genèse. Avec la Genèse. La Genèse. La Genèse, oui. La Genèse. La Genèse, oui, la Genèse. La Genèse, ouais. Pourquoi la Genèse? La Genèse. La Genèse, ouais, la Genèse. La Genèse. La Genèse. La Genèse. Je sais que c'est la Genèse, ouais, je sais. La Genèse. La Genèse, je sais, ouais. Merci. La Genèse, ouais. La Genèse. La Genèse. Bon. La Genèse. Le mec a l'âme un peu têtu. La Genèse. La Genèse. Il va partir, quoi. La Genèse. Il veut absolument nous pourrir les ondes, quoi. Écoutez, c'est pas moi qui ai écrit ce bouquin de merde, la Genèse, là. La Genèse. Mais franchement, faut qu'il arrête. La Genèse. Écoute, je sais pas la comment Genèse. Tu t'appelles, mec Dieu, je sais pas quoi, je m'en tape. La Genèse. Écoute, ton bouquin, ton best-seller, tu peux te le foutre au cul, enculé. La Genèse. T'as compris? La Genèse. La Genèse, tu te le fous la dans Genèse. Le cul, t'as compris? Ouais. La Genèse. Ouais, toi, Dieu, là, tu sais. Tu prends ta Genèse et tu te la mets dans le dos. La Genèse. Tu, torche avec. La Genèse. Ouais, torche-toi avec, ouais. La Genèse. Tu prends une page après l'autre et même tu prends un côté de la page, la plier. La Genèse. Ensuite, prendre un autre côté, la plier encore. Tu peux faire jusqu'au quart de la page. La Genèse. Ça peut durer une éternité. La Genèse. Pendant une éternité, tu as du picule grâce à la Genèse. Je veux dire merde, quoi. Tu devrais me dire merci, c'est une putain de bonne idée, non? La Genèse. Allez, dis-moi merci. La Genèse. Dis-moi merci. La Genèse. Ouais, merci. Ouais. La Genèse. Non, pas la Genèse, tu me dis la merci. Merci la Genèse. Non, mais arrête, témoin de Jéhovah. La Genèse. Bon, mais arrête, espèce de mormon. Mais la Genèse. Catholique de merde. La Genèse. Espèce de. La Genèse. Judaïque. Arrêtez avec vos religions, là, musulmans, mais la Genèse, on s'en fout. La Genèse. On s'en fout de votre la Genèse. La Genèse. Il y avait quoi avant la Genèse? La Genèse. C'était mieux, hein? C'était plus tranquille. La Genèse. C'était bien avant la Genèse. La putain. Genèse. Je m'en souviens, ah, c'était un bon la temps. La Genèse. Ça. Le bon vieux temps. La Genèse. Ah, le petit. La Genèse. Avant la Genèse. La Genèse. Avant la Genèse. Avant. La Genèse. Avant. Avant. La Genèse. Avant. La Genèse. Avant. La Genèse. Avant. La Genèse. Avant. Avant. La Genèse. Avant. Avant. Avant. Avant. Avant. Avant. Avant la Genèse. La Genèse. Avant la Genèse, mec. La Genèse. Avant. Avant ça, il y avait quoi? La Genèse. Il y avait quoi avant la Genèse, mec? La Genèse. Arrête. Tu vas parler. La Genèse. Nous avons les moyens de vous faire parler. Vive la France! La Genèse. Vive la France libre! La Genèse. La Genèse. Ah, libérant la France! Du joug. Du joug tyrannique. Du fric. La Genèse. Oh oui. La Genèse. La Genèse. La Genèse. Et de l'Église catholique. La Genèse. L'Église catholique, donc, comme toutes les pharmacies. La Genèse. Bonne ou pas bonne. La Genèse. On s'en fout, ça y est. La Genèse. Puis la Darty, la Fnac. La Genèse. L'Église catholique est encore présente sur le territoire. La Genèse. Nous avons repéré trois cibles. TF1, France 2, France 3. La Genèse. Il y en a d'autres. Nous présageons donc une attaque frontale. La Genèse. Frontalière, peut-être. La Genèse. Provençale. La Genèse. Provençalière. La Genèse. La Genèse. On s'en fout de la Genèse, mec. La Genèse. Je préfère un accès ou ralenti. D'écouter une émission qui s'appelle Nuisance, l'émission qui nuit au sens. Si vous n'aviez pas remarqué. Je rappelle que vous êtes les bienvenus si vous voulez vous faire en... ici. En plafonné, c'est ça. Je voulais vous emplafonner, voilà. Alors, si vous le voulez bien, quoi. bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. Vous êtes à l'écoute de Nuisance, l'émission qui est là pour vous plaire, pour vous faire plaisir et vous rendre heureux et heureuses, toutes et tous, mes amours, mes frères et sœurs, je vous aime tellement. Vous devez le sentir à présent, mon amour pour vous. C'est beau. La vie, c'est beau grâce à vous, je vous aime tellement. Merci à papa, merci à maman, merci à Dieu. Merci. Merci. C'est trop beau. J'ai l'impression que mon petit cœur va éclater. Je trouve qu'il y a un peu trop de monde ici. J'ai décidé d'arrêter. De vous faire chier pour une fois. Juste une fois, je vais arrêter de vous faire chier. Je vous ai mis de la musique, la vraie. La musique, hein. quelqu'un est là? C'est pas possible, avec toute la merde que je vous ai balancée dans les oreilles, vous pouvez pas être là encore. Vous êtes sûrement parti, quoi. Je vais être en train d'halluciner, sûrement. Je veux dire, qui c'est qui peut être là, après tout? Je suis en train de rouler ma clope, personne peut être là, quoi, je veux dire. Personne au bout du fil, c'est ça, hein. Ça, c'est le principe, hein. On répond pas, hein. Quand on connaît pas le numéro, on répond pas, hein. T'entends? Je réponds pas au téléphone, hein. Non, je répondrai pas. Bon, bah, c'est bien. C'est très bien, parce que si je t'attrape en train de répondre au téléphone, je te frappe, tu sais. Après, je te viole. T'entends? Ouais. D'accord. Je répondrai pas au téléphone, papa. Maman. Je répondrai pas au téléphone. Ouais. Et tu joues pas au Minitel, hein. Tu joues pas à tous ces jeux sur Internet, là, où il y a des meufs à poil qui se foutent encore plus à poil qu'elles le sont déjà, hein. Tu fais pas ça, hein. Non, allez-y, vous pouvez aller voir votre film de merde, là. Ah, tu nous parles pas comme ça, hein, t'es vraiment qu'une sale merde, espèce de sale mioche, tu sais. Ouais, je sais, ouais, allez, casse-toi, maintenant. Oh, putain, on peut pas être tranquille, maintenant je reste, là. Mais tu m'avais promis, chérie, depuis le mois, là, tu m'as mis un putain de film, quoi, y a pas moyen, tu sais, c'est ça, tu m'aimes plus, t'aimes notre fils plus que tout, c'est ça, hein, tu m'aimes même plus moi, tu sais. Mais j'en ai rien à foutre de toi et de ton fils, t'entends? J'en ai rien à foutre. Non mais... Ils viennent chez nous, ils nous prennent notre travail. Sale mioche. Exercice de caisse claire numéro 2. Oh pardon, j'ai pas fait exprès. Exercice de caisse claire numéro 2. Putain, j'arrive pas à entendre la musique, quoi. C'est important la musique dans tout ça. Figure A5. figure B1. Exercice de casse-clair numéro 4. 1, 3, 2, 4, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4. Ça, non, je suis là pour vous faire chier, t'sais. C'est nuisance, nuisance, l'émission qui nuise au sens, l'émission de toutes les nuisances. Alors vas-y, t'sais. Suicide-toi, c'est tout ce qui te reste comme solution, je veux dire, tu veux pas éteindre le poste, tu veux pas te casser, quoi. Allez, vas-y, fonce, mec, ou tue quelqu'un avant. Tue ton patron, par exemple. Et après, tu peux te tirer une balle, ou te pendre, je sais pas, moi. Sois inventif. Péter avec toute la baraque, prends l'usine, mets la toi dans le fion et explose. Allez, fonce, mec, t'as encore une chance de survivre, peut-être ton âme, je veux dire. C'est ta dernière chance. Ta dernière chance. C'est horrible ce que je dis quand même, hein. C'est vraiment horrible quoi. Bon, c'est pas tout ça, mais bon. Enfin, voyez ce que je veux dire, quoi. Allez, on va arrêter maintenant, c'est bon, on a assez dit. On en a assez fait. C'est trop maintenant. C'est trop, vous entendez ? Now 30 seconds to reach minimum safe distance. You now have 14 seconds to reach minimum safe distance. You now have 10 seconds to reach minimum safe distance. You now have 9 seconds to reach minimum safe distance. You now have 5 seconds to reach minimum safe distance. You now have... Oh my god, what have I done? Oh mon dieu, qu'ai-je fait? C'est chiant à mourir, hein, ton truc. Ah, mais je vous l'ai dit, moi. Allez vous faire enculer. Tu vois ? C'est pourtant clair. L'usance, c'est ça. C'est l'esprit, allez vous faire enculer, quoi. Tu vois ? Parce qu'on n'a pas le droit, c'est interdit, tu vois, de s'exprimer dans cette... tu vois ce que je veux dire ? Cette merde. C'est pour ça que je dis ça. Allez vous faire enculer. Parce que c'est interdit, tu vois, ça m'amène du plaisir. L'interdit, ça fait du plaisir, c'est génial. Faut tout interdire. Ça aura plus de plaisir après. Pourquoi acheter de l'alcool comme ça, légalement? Non. Moi, je veux de l'alcool illégal. C'est mon droit. C'est pour ça que je me suis converti à l'islam. Je veux de l'héroïne légale, c'est pour ça que je me suis converti au bouddhisme sanskrit de la bois du milieu. Ouais, ouais. Pour avoir de l'héroïne dans les veines. Tu vois, moi je m'adapte à la religion, tu vois. C'est pas elle qui s'adapte à moi, hein. Moi j'y crois, tu vois. La politique, pareil. J'y crois. Je dirais même que j'y crois à fond. Non, c'est vrai, allez voter dimanche, c'est super important. Non, c'est vrai, hein, je vous dis la vérité, ce que je pense maintenant, hein, c'est vraiment, vraiment important. Hein. C'est super important d'aller voter. C'est comme de chier, quoi, tu vois. C'est un devoir. C'est pas un droit, en fait. C'est un devoir d'aller voter. Si tu votes pas, t'es qu'une merde. Va chier, t'sais. Si tu votes pas, t'es qu'une merde. Va chier, yeah. Yeah, yeah. Si tu votes pas, t'es qu'une merde. T'es qu'une merde. Si tu votes pas, si tu votes pas, t'es qu'une merde. Il faut voter dans la vie. Voter, voter, voter, voter, voter, voter, voter. Vos culs, j'en ai rien à foutre. Voter, ouais, c'est ça la vie. Il faut voter, ouais, ouais. Wouh, yeah. Pendons le patron haut et court par les pieds pour qu'il souffre jusqu'à la mort. Tu veux du fric? D'accord. Tiens, prends ça dans la gueule. Bah, une brique. Bah, une tomate pas fraîche. Bah, de la merde, du caca, tout ça, oui, c'est pour toi. Tu veux du fric? Prends-le dans la gueule. Prends-le, tu veux être riche? Bah, sois riche. Voilà, c'est ça un riche. Un vrai riche. Pends-le par les pieds, ton papa et ta maman et ton patron aussi, pendez-les tous. Ou foutez-les psychiatre ou keuf, comme ça ils suicideront. Non, ils sont en sérieux quoi. Pas ça abusé qu'ils aient plus de fric que nous, qu'ils se suicident après tout. S'ils veulent du fric, qu'ils se suicident. Moi, ce que je veux, c'est les voir morts et ensuite crever, quoi. Ouais, vous. Crever de solitude. C'est beau, ça, comme mort, non? T'es mort comment? Bah, je suis mort seul. Putain, c'est trop beau, t'sais. C'est trop beau. T'es vraiment quelqu'un de bien. Ouais, je sais, merci. Merci Dieu, t'es vraiment mon pote. Ah, de rien, Al, t'es vraiment quelqu'un de bien. Je te l'ai déjà dit, mais je te le répète encore une fois, t'es vraiment quelqu'un de bien. Ouais, merci. Tu peux arrêter maintenant? Ouais, d'accord, j'arrête. Pour ceux qui comprennent pas, il est en train de faire un décompte. pour ceux qui ne connaissent pas, est une émission éminemment intellectuelle qui a pour sujet le bruit dans toutes ses formes et aspects. Sous nuisance, il y a vous. Vous n'êtes rien pour nuisance. Nuisance vous chie à la gueule. Nuisance vous encule, vous entube, vous prend, vous retourne et vous tue. Par la gorge. Oui, avec de l'acide sulfurique. Thème de la vie, de la beauté, dans la gloire du monde. Éternels frères et sœurs, nous sommes ensemble pour célébrer la gentillesse de quelqu'un qui paye sa cotisation tous les mois pour pouvoir faire une émission aussi instructive qu'instructionnelle. Le jugement n'est pas dernier encore, car peut-être que vendredi prochain, si le monde n'est pas fini d'ici là, il y aura une autre nuisance. Sera pour plus tard. Et tout en appréciant, pouvez-vous vous demander peut-être pourquoi je suis vraiment que de la merde. Peut-être à cause de vous. En attendant, ces quelques mots déblatérants. Avec de la fiente pourrite. Say a word in English, maybe, for our listeners who don't understand French. We fuck you all in the asses. You are pieces of shit. You deserve to die. You must rot in hell for what you've done. You are really fucked up and really deserve shit, you know? deserve shit. Et comme je le disais en anglais, la philosophie étant donc source de sagesse et même véhémence de sagesse, nous devons anticiper et anthropophaser tout le monde entier pour que nous puissions enfin fager en paix brute. Ce qui importe, ce n'est pas le bonheur, c'est l'argent. Le fric que l'on gagne, c'est ça qui importe. Ce n'est pas le bonheur, c'est l'argent. Consommez, baisez, faites des gamins, comme ça vous serez piégés par vos crédits. Vous êtes vraiment que de la merde. Crever en enfer, frères et sœurs. Merci d'avoir tenu donc tout au durant de cette démission je crois que c'est bien, c'est ça qu'il faut dire. Donc je pensais qu'il fallait vous dire quelque chose pour finir l'émission, et en fait j'ai changé d'avis, donc je ne vais rien vous dire. C'est la fin de l'émission. Vous avez écouté Nuisance sur Canal Sud, 92.2 FM ou canalsud.net. Nuisance, c'est l'émission qui nuance, l'émission de toutes les nuisances. Je vous ai rien dit.